Nous nous sommes penchés ensemble, chers auditeurs, sur le début du chapitre 32 de la Genèse. Nous y avons vu le patriarche Jacob cerné entre deux feux. Derrière lui, les menaces de son beau-père Laban. Devant lui, l'arrivée imminente d'Ésaü, son frère, à la tête de 400 soldats. La journée avait été mouvementée pour Jacob. Le matin, c'était l'arrivée des messagers annonçant les intentions belliqueuses d'Ésaü. L'après-midi, le partage du camp en deux. Car Jacob pensait « Si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. » Genèse 32, 8. Puis, après un moment de prière bénie, Jacob avait pris d'autres dispositions. Touché dans son cœur, il avait décidé d'offrir des cadeaux à son frère. Cadeaux qu'il va lui envoyer avant de le rencontrer. Enfin, dans la soirée, ce fut le passage à gué du torrent de Jabbok, avec ses deux femmes, ses deux servantes, ses 11 enfants et tous leurs biens. Ensuite, nous lisons Genèse 32, 24. Jacob demeura seul. Après une journée si remplie, Jacob avait besoin de solitude pour méditer, réfléchir et prier. Aujourd'hui, l'immense majorité des hommes ne savent plus s'isoler et craignent souvent de rester seuls. Beaucoup de personnes éprouvent même une véritable angoisse devant la solitude, et l'on comprend qu'elles veulent oublier leur sort dans l'étourdissement des distractions. Chers auditeurs, si vous souffrez de solitude, ou même si vous vivez dans la hantise de la solitude, sachez que vous avez en Jésus-Christ un ami capable de combler le sentiment de vide qui vous ronge. On raconte l'histoire de ce prisonnier communiquant en alphabet morse avec son voisin de cellule pour lui transmettre ce message. C'est l'enfer d'être seul avec soi-même. Or, ce voisin était un chrétien. Il s'est empressé de répondre. Mais c'est le ciel d'être seul avec Dieu. Comme c'est vrai. Dieu peut remplir la solitude de sa présence et de sa paix. Cependant, dans la course effrénée de la vie, l'homme a parfois besoin d'être seul. Comment réfléchir, en effet, aux questions essentielles de l'existence si vous ne coupez pas une fois ou l'autre, chers auditeurs, avec vos préoccupations quotidiennes et votre entourage habituel pour sérieusement penser à votre âme et à l'éternité? Aujourd'hui, ne voulez-vous pas vous arrêter, essayer de vous isoler pour laisser à Dieu le temps de vous parler? Pour nous, chrétiens, il est encore plus impérieux de rompre avec la routine de la vie habituelle pour nous placer devant Dieu, lire sa parole, écouter sa voix et répandre notre âme dans la prière. La rosée ne tombe pas quand le vent souffle et quand l'atmosphère est agitée. De même, la parole divine ne saurait imprégner notre entendement si nous sommes perturbés par toutes sortes de courants de pensée ou neutralisés par la pollution morale qui nous environne. Nous avons donc à nous imposer une discipline pour réserver à Dieu la part qui lui revient dans notre programme quotidien. Il nous faut échapper à l'engrenage des circonstances pour découvrir la bénédiction de ces moments d'intimité où le Seigneur se révélera à notre cœur. Ces moments où nous lui dirons, comme le jeune Samuel l'a dit un jour, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » 1 Samuel 3, 9. Avons-nous appris à nous réserver un lieu barricadé aux distractions de l'extérieur, un sanctuaire que nous pouvons retrouver à tout instant, soit dans le secret de notre chambre, soit dans la gloire du temple de la nature? Jacob demeura seul. Cependant, en cette nuit mémorable, les choses ne se sont pas passées pour lui comme il les aurait souhaitées. Nous lisons. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Genèse 32, 24. Avait-il vraiment besoin de cet adversaire qui engageait avec lui un étrange pugilat en ce moment où il aspirait plutôt à la tranquillité? Surtout que ce combat devint pour lui une lutte au corps à corps, se prolongeant toute la nuit avant de déboucher sur l'issue douloureuse d'une luxation de la hanche. Nous lisons. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Genèse 32, 25. L'agresseur inconnu frappait Jacob dans les ressorts vitaux de sa force naturelle, lui causant un sérieux handicap pour de longues semaines. Et cela au moment où il aurait eu besoin de toute sa vigueur pour affronter son frère Ésaü. Essayons de nous mettre à la place de Jacob. Comment aurions-nous réagi? Révolte? Impatience? Contestation? Irritation? Ou bien amertume? Fatalisme? Complexe de persécution? Soudaine crise de désespoir? Rien de cela chez Jacob, car aussi rapide que fut le coup qui lui avait démis la hanche, aussi subite fut sa découverte de l'identité de son antagoniste. Il n'avait pas eu affaire avec un homme lui infligeant les coups redoublés de sa colère, mais avec Dieu lui imposant l'éducation de son amour. Son agresseur n'était pas un ennemi, mais un ami, et plus qu'un ami. C'était Jésus-Christ dans le cadre de l'Ancien Testament, le Fils de Dieu qui, en lui résistant pour le vaincre, voulait faire de lui un homme transformé, une nouvelle créature, un instrument propre à son service, un serviteur disponible pour accomplir sa volonté. Devant cette révélation soudaine, Jacob a changé d'attitude. Au lieu de se plaindre sur son sort et de s'apitoyer sur lui-même, il a saisi l'opportunité unique de cet instant crucial où se jouait tout son avenir, et il a dit à son interlocuteur divin : « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Genèse 32, 26. Un étrange dialogue s'est engagé alors entre ces deux hommes si profondément dissemblables. Jusqu'alors, le combat nocturne s'était apparemment déroulé dans le silence. Maintenant, c'est le vainqueur divin qui s'adresse au vaincu humain, à Jacob qui boite de la hanche, et qui lui dit « Quel est ton nom ?»« Jacob. » »« Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. » Genèse 32, 27 à 28. Et que veut dire ce nom Israël ?« Celui qui vainc avec Dieu, celui qui lutte pour Dieu, celui qui est victorieux avec Dieu. » La signification de ce nom est du reste confirmée dans l'explication que le messager divin a donnée à Jacob. « Tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Genèse 32, 28. Jacob est là, souffrant, brisé. Mais son interlocuteur fait soudain du vaincu un vainqueur. Décidément, Dieu jauge les actions des hommes selon des critères bien différents des nôtres. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées, dit l'Éternel. Ésaïe 55, 9. Que ce Jacob, jusqu'ici si sûr de lui-même, toujours capable d'ingéniosité et d'astuce lorsqu'il s'agissait de s'éviter des désagréments, et toujours habile à faire flèche de tout bois, que ce Jacob donc soit enfin terrassé, désarçonné et humilié, c'est une victoire. Pour Dieu, c'est la victoire tant attendue depuis 20 ans et plus. Et lorsque Jacob s'est écrié « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni », il a remporté le plus grand combat sur lui-même, celui de son adhésion de cœur et de fait à la parfaite volonté du Seigneur. Si bien que, dans ce combat, il n'y a pas eu un vainqueur et un vaincu, mais deux vainqueurs et un vaincu. Le vaincu, c'était Jacob, dans sa nature rusée, déchue et pécheresse, frappé d'un coup décisif et douloureux. Le premier vainqueur, c'était Dieu, qui avait dompté Jacob. Et le deuxième vainqueur, c'était le nouveau Jacob devenu Israël, celui qui entrait dans la victoire de Dieu parce qu'il s'était enfin laissé subjuguer par Dieu. En cette nuit de lutte, Jacob avait été appelé à céder devant les coups d'un homme qu'il n'avait pas reconnu. Si alors il avait su que c'était Dieu, peut-être n'aurait-il pas combattu si longtemps. Il en est souvent de même pour nous. Nous sommes d'accord d'obéir à Dieu, mais à condition de ne pas avoir à nous soumettre aux hommes. Et pourtant, derrière les hommes, derrière les circonstances humaines, derrière les conseils des conducteurs spirituels que l'on accepte parfois avec tant de peine. N'y a-t-il pas très souvent le Seigneur lui-même, avec sa voix bénie et rassurante, qui dit à chacun de nous « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Jean 13, 7. Quand le croyant cède jusque dans les derniers retranchements de son fort intérieur, il gagne, aux yeux de son Seigneur, la bataille décisive de sa vie. Désormais, le nouvel Israël peut remplacer le vieux Jacob. Désormais, la vie du Saint-Esprit peut s'épanouir dans le croyant, parce qu'enfin, sa nature propre accepte d'être crucifiée avec Christ. Désormais, l'homme de Dieu peut apparaître et le vieil homme peut commencer à disparaître. Glorieux dénouement d'une longue lutte où le Seigneur sera glorifié en nous. Chers auditeurs, qu'en est-il de vous en cet instant? Vous avez peut-être lutté avec vous-même et avec Dieu pendant des années. Cédez maintenant à l'amour de votre Sauveur. Capitulez avec vos raisonnements. Renoncez à vous-même et donnez à Jésus-Christ ce qu'il réclame. En cet endroit que la Bible appelle Péniel, c'est-à-dire face de Dieu, Jacob, le vaincu, est devenu pour Dieu le vainqueur. Ayez à votre tour votre Péniel, et l'aube d'un jour nouveau se lèvera pour vous, comme elle s'est levée pour Jacob il y a 3800 ans. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Genèse 32, 31. Après Péniel, Jacob était moins sûr de lui, mais il était plus sûr de Dieu. Et pour nous aussi, il importe d'être conscient de notre faiblesse pour apprendre à nous confier dans le Tout-Puissant. Acceptons donc qu'il nous vainque, afin que par la suite, nous vainquions en lui. Alors, nous marcherons en nouveauté de vie, avec un nouveau nom et surtout avec un nouveau cœur, parce que la face de Dieu aura jeté sa lumière jusqu'au tréfonds de notre être.